22h tapante à la pendule de Radio Béton, c'est de nouveau l'heure de retrouver l'ami Thibaut pour le deuxième focus de ce soir, et c'est pas la fin. Et c'est pas la fin, tout à fait. Bip, bip. Je viens de la comprendre. Ça va être extrêmement fatigant, il est 22h, il m'en reste un à faire de focus, ça va être compliqué. C'est génial. J'ai peut-être, la chance que le dernier groupe, tu le connaisses un peu moins, peut-être que t'auras moins de blagues à faire. Direction les États-Unis pour aller voir le groupe End, qui nous sort leur deuxième album, un groupe formé en 2017. Ils font du black and hardcore, pour faire très simple. Premier album également en 2017, From the Unforgiving Arms of God. Un album qui m'avait marqué, qui avait marqué, je pense, un petit peu tout le monde à sa sortie. C'est un album qui est terriblement cru, violent. C'est un hardcore bien cradingue et teinté de black metal par-dessus. Ça posera les bases de l'album à venir. Et clairement, c'est un album qui a un petit peu surpris toute la scène parce que c'était d'une qualité vraiment, vraiment remarquable. Qu'est-ce que j'ai mélangé ? C'était un EP ? Les torchons et les serviettes. Ouais. Non, on s'en fout, vas-y. C'est 2020 où c'était un EP. Je mélangeais mes trucs. En fait, le Sud 2017 est aussi considéré comme un EP. D'accord, bon, très bien. 2020, Splitters from an Ever-Changing Face. Une grosse claque. Non, c'est celui-ci du coup dont je voulais parler. C'est très bien, j'ai tout mélangé. Les deux sorties, ça fait un aller-retour. Donc, oui, tout à fait. Niveau grosse claque. Mais j'étais plus resté marqué sur celui de 2020 dont j'avais mélangé les noms. Donc une grosse claque dès sa sortie, un album vraiment méchant comme il faut, et ça a été vraiment un gros kiff quand on l'a découvert, cet album. Que dire de plus, vraiment un petit ovni. Je vais revenir sur le line-up un petit peu après parce que j'avoue que c'est quand même une des caractéristiques du groupe. Toi, tu l'as écouté également, ça a été c'était un petit peu une déflagration effectivement quand il est sorti. Justement, moi personnellement, c'était surtout en lien avec le line-up où j'étais, il y a absolument zéro intérêt à avoir pour ce groupe-là. Et je l'ai fait tourner une fois, je fais « Waouh, ok, pas ça ». Je l'ai fait tourner une deuxième fois, je dis « Ok, je aime ». Des titres aux durées inégales, mais à la violence constante. Ouais, c'est ça. Un artwork très en lien entre le premier EP et le premier album. Tout à fait. C'est sombre, c'est dérangé et dérangeant. C'est juste que l'album dure deux fois plus longtemps que le premier EP, donc c'est deux fois plus dur à soutenir, mais c'est terrible. Ouais, complètement. Et du coup, comme on disait, le groupe, donc c'est un guillemets super groupe qui réunit pas mal d'acteurs de la scène américaine, particulièrement de la scène deathcore des années 2000. Sur le papier, ça me vendait pas du rêve non plus, mais force est de constater que le résultat est vraiment de haut niveau. On a donc le chanteur Brendan Murphy, qui lui donc vient de la scène canadienne hardcore en l'occurrence. Donc il est notamment dans le groupe Counterparts. Je sais pas, moi je le connais pas bien le groupe de nom évidemment. Ouais, c'est très mélodique hardcore. Ouais, c'est ça, c'est une mélodique hardcore complètement. Mais de nom, j'ai pas poussé l'oreille plus que ça. On a le guitariste Will Putney qui vient de Fit for an Autopsy. Pareil, donc scène deathcore des années 2000. Moi, je suis passé complètement à côté de cette scène-là. C'était pas du tout ma cam. Ça a été plutôt la cam de mon frangin à l'époque. Moi, je suis passé à côté. Et également, du coup, en parlant de passer à côté, on a l'autre guitariste, Matt Guglielmo, qui lui vient de The Acacia Strain. Et j'avais même jamais entendu parler du groupe. Et en digant, en fait, c'est un groupe qui est hyper connu, qui a fait plein de trucs. Oui. Mais complètement passé à côté, ça a été une. Vraiment, le deathcore des années 2000, je suis pas calé dessus, mais voilà, ça réunit beaucoup de personnalités de ce milieu-là. Les autres membres, je sais plus exactement les projets dans lesquels ils sont. Il y a Pepito à la basse. Ouais, très bien. Voilà. Mais j'ai pas spécialement noté de projet. C'est pareil, des groupes. Voilà. C'est des groupes, ouais, qui. Tu me parles zéro, que je connais de nom et que j'ai pas digué plus que ça, quoi. Et voilà, c'est assez surprenant, du coup, d'avoir un line-up qui vient du hardcore mélodique ou du deathcore des années 2000 dans ce qu'on a eu de plus classique et qui nous pondent du black and hardcore comme ça. Ils se sont peut-être rendus compte qu'ils se faisaient chier dans leur groupe de base. Ils se sont dit, en fait, on a plein de colère en nous. Si on... Fusion ! Voilà. Bon, un petit peu de médisance, c'est bon, ça t'a fait du bien. Oui. Ouais, c'est bon. Oui. Côté visuel, je trouve que End, ils ont toujours eu des visuels très cool, que ça soit sur l'EP, comme tu le disais, le premier album, qui a un lien entre les deux graphismes et donc le graphisme de ce, ce nouvel effort studio, donc on va nommer The Sin of Human Frailty. Il y a un lien vraiment entre les deux premières pochettes, celle-ci est un petit peu à l'écart, mais je la trouve vraiment réussie également. Elle est pas, c'est pas non plus la pochette de l'année, mais je trouve qu'elle est, voilà, elle fonctionne bien, c'est bien travaillé, c'est, ça colle par rapport à l'ambiance que tu vas avoir dans l'album. Donc je l'ai trouvé très très bien travaillé. Un album, comme je le disais, donc un premier EP puis un premier album qui a un petit peu surpris tout le monde, donc un album, un second album qui était attendu, qui clairement ne déçoit pas dans sa, dans tout ce qu'ils entreprennent, c'est-à-dire que l'album, il est toujours aussi frontal, il est toujours aussi violent, et derrière, t'as un aspect très froid et plus mécanique qui va se dégager de cet album par rapport au précédent, tout en gagnant en richesse. Et j'ai fait le lien dans mon cerveau, je sais pas pourquoi, avec le projet Pleblen Grandsand, qui a pondu là un dernier album qui se voulait un petit peu plus, un petit peu plus mécanique, un petit peu plus froid encore que ce qu'il proposait, et perdre un petit peu de charnel, mais pour générer de l'ambiance et surtout avoir un travail de composition et de mélange des, presque des styles dans leur travail qui était beaucoup plus intelligent dans ce qu'ils ont proposé. Et comme tu le disais en intro, et je suis pas d'accord avec toi, c'est-à-dire que tu as dit ça va pas être intelligent. Si, justement, cet album de End, autant Cranium, c'est viscéral, c'est fait pour te rentrer dedans et tu sens que c'est fait avec les tripes. End, tu sens que ce nouvel album, il est ultra intelligent, il est super bien pensé. Tu le vois même dans les guests qui sont invités sur, le, sur l'album. T'as le chanteur, Monsieur Hayes, de Pig Destroyer, qui vient pousser la chansonnette sur un des morceaux. T'as Diane Walker, le chanteur de Full of Hell, également, qui vient pousser un hurlement sur, dans le micro. T'as d'autres guests, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais t'as quelque chose de mature qui se dégage de l'ensemble des compositions. Ça reste viscéral, mais t'as ce côté froid, presque ouais, mécanique, qui vient prendre le dessus à certains moments. Et c'est super bien foutu. Enfin, moi, j'ai vraiment pris une grosse, grosse claque. Un album attendu et qui m'a pas du tout déçu. Ouais, bah, ma seule déception, c'est de pas avoir encore eu l'occasion de les voir sur scène. Ouais, voilà. Pareil, j'avais la petite note que j'avais mis dans mes pages. En live, là, cet album, ça va être un chaos absolu. Enfin, ça va être vénère. Va falloir retenir des gens, tu vois, sur la scène pour éviter que ça se passe trop mal. Mais voilà. Rien à dire de plus sur cet album de End, si ce n'est qu'il est fait avec une intelligence remarquable et c'est une réussite de ouf. Leur label, c'est toujours Close Casket Activities. On va s'écouter le titre Thau. Ouais. Je te laisse parler peut-être. J'imagine que ce n'est pas un choix au hasard. Non, bah en fait, c'était un petit peu pour démontrer toute la richesse qu'on va avoir dedans, parce que cet album, il a presque une dimension, une texture presque indus. T'as des sons électroniques qui vont arriver dedans. Vous entendrez l'intro, il y a une espèce de vibe du morceau Stress de Justice. En intro, t'as vraiment cette espèce de truc lancinant à moitié agressif qui vient au début. Par-dessus ça, tu as la chanteuse du groupe anglais Heriot, Debbie Goes, qui vient pousser quelques cris au micro. Moi, c'est un projet, alors projet inconnu à mes oreilles, j'ai posé une oreille dessus, je dis ok, faut que j'écoute la discographie en entière. C'est un espèce de mélange de... C'est un projet post dans sa globalité. Du sludge, du doom, du grind par-dessus tout ça. Ça a l'air d'être ultra prenant. Et voilà, allez jeter une oreille aussi à ce projet-là, parce que moi, j'ai écouté 3 morceaux, j'ai fait « Waouh, faut que j'écoute en entier ». Voilà, les présentations sont faites pour la sortie de Nouvel Effort Studio de End. C'est parti. Silence. Et voilà, quand on surveille pas la fin du morceau, voilà ce qui se passe, hein, un blur l'antenne. Bravo Régis, t'es un con Régis. Mortuary Lunar Tombfield, c'est la doublette suivante, doublette qui nous permet d'entrer dans l'aspect française de ce soir. Mortuary, les vétérans du death français actifs depuis la toute fin des années 80. Ils nous sortent là un nouvel effort studio Sublime The Decline, les nancéens de Mortuary, voilà, actifs depuis plus de 30 ans, qui... sortent ce nouvel effort, c'est d'autant plus notable, chez Adipocer Records, le label français qui a rien sorti à 2-3 exceptions près ces 15 dernières années. On s'écoutera le titre Specimen Zero. Lunar Tombfield ensuite, là on est sur du black metal nantais, une sortie Les Acteurs de l'Ombre, on est sur du black, black atmo, assez classieux et grandiose. An Arrow of the Sun, To the Sun, pardon, c'est le nom de leur second effort studio, très prolifique, hein, le groupe existe depuis 2020, c'est déjà leur second effort studio. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On s'écoutera le titre Le Chant des Tombes, c'est parti. Down! Doublette suivante dans l'aspect française, une sortie encore de la très très bonne écurie Lixiviat Records avec les Lyonnais de Ordure, d'ailleurs qui seront présents sur la scène du Obscène Extrême de l'an prochain. Bistre Repetita, c'est le nom de leur second effort studio. Un album assez court, avec tout, cependant plein de titres dedans, hein, 21 morceaux pour 19 minutes. Grindcore sur 100, une pochette d'album absolument grandiose que je vous invite à aller observer par vos propres yeux. Ça ne se décrit pas, tout simplement. Arborescence of Wrath en doublette avec Ordure. Là, on est sur un All-Star Band international. On retrouve notamment Jason Kaiser de Origin ex Skinless. Deux membres de In Other Climes, la formation de hardcore française. Et le sieur Blood Hammer, plus connu sous le nom de Simon, j'ai perdu son nom de famille, Simon Schilling, qui n'est autre actuellement que le cogneur chez Marduk. Voilà, et tout ce petit monde se retrouve autour d'un projet Death Brutal Death bien old school. Le premier album s'intitule Inferno, et c'est déjà disponible. Une sortie Transcending Obscurity Records, on s'écoutera le titre Cleansing Termination, et juste avant ça, une doublette signée Ordure, des rats d'étal enchaînés au titre du jean dans les chaussettes. Voilà, voilà. We'll be right back. doublette suivante dans l'aspect française avec, au passage, doublette de nouveautés. Tout d'abord, Alda Aaron, formation qui nous vient des environs de Grenoble. On est sur du black, pagan black. Magic 8, Melancholic Deft, c'est le nom de leur quatrième effort studio. Le groupe existe depuis bientôt 20 ans. Les sorties d'albums sont assez espacées. Hein. Là, on s'était écoulé 10 ans entre 2012 et 2022. Voilà, puis pour le coup, ils sont de nouveau prolifiques. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des Icos? On en a parlé un petit peu hors antenne. On a, dans le line-up, sont passés des ex-membres de Necrowretch, par exemple. Voilà, là, l'album voit le jour sur le label Paragon Records. Un truc pas forcément très connu, c'est sorti fin octobre. Bannière de nuit, c'est le titre qu'on va s'écouter en premier. À noter un artwork plutôt soigné sur ce nouvel effort de Alda Aaron. On s'enchaînera ça ensuite avec Critical Times. Là, on arrive droit sur la scène RNHC, la scène hardcore qui nous vient de Rennes. Formation française hardcore beatdown, donc qui vient de sortir son nouvel effort studio intitulé sobrement The Enemy. Une autoprod, c'est sorti mi-septembre et on va s'écouter le titre Keepers of the Groove. Quoi, comment ça, qui a dit Keeper of the Face? C'est parti. We'll be right back. Victor is mine, nothing to call for a ride. I will pass to live another wall I ride. I was the shit of the painted old rap. I took my life to the cops to sign mine. Watch out to offer critical times of art. With the devil around just to crack the art. I was still a death to wine. Simple ask if I ever break mine. Freedom! What? What? When you back up here, in the ears, sound of the gangster. So this, what gets me high? The picture, the wall is covered. Yes, we became a dick with the marsh pit. I kicked up the boy in. Orange or dory, always the paper rip. Hit the sins on your butt. Darkness of my eyes. Show your back. Burn it forever. Burn forever. Doublette, pas du tout doublette, pas du tout doublette. Eh oh, tu te calmes, oh. Le groupe suivant, bah tiens, bah démerde-toi, voilà, ça t'apprendra. Direction la Norvège presque. Un groupe qui est originaire de Norvège, mais qui s'est un petit peu splitté vers les Pays-Bas également. Le deuxième, hein, ce soir. De quoi ? Oui, c'est formé le thème. En Norvège qui fait. C'est le thème de la soirée, c'est la Norvège qui fait. Voilà. La Norvège qui fait. Très bien. Azagrom, un groupe de black metal donc, qui s'est formé en 2015. Ils ont sorti un premier album en 2017, Potestas Magicum Diaboli. Les patates diaboliques, pardon. C'est bon, t'as fini. La dissidence absolue, c'est de pire en pire ce soir. Je reviens donc sur cet album qui est une très belle pièce de black metal qui commence parfaitement cette discographie. Qui est déjà très bien produit, moi j'ai pris vraiment du plaisir dedans, c'est assez brut, et sans être, c'est assez brut et assez rentre dedans sans être vraiment ultra violent, c'est pas du Marduk, clairement, t'es sur du black metal plus trad, norvégien on va dire, c'est occulte, satanique, à souhait, t'as des Hey Satan tout du long, c'est vraiment vraiment plaisant, c'était un très bon album. En 2017, ils sortent Dawn of Infinite Fire, un album qui va perfectionner l'album précédent, je trouve. Il va juste lui ajouter des petites améliorations, mais on reste dans la même lignée. Une suite meilleure, plus puissante, plus entraînante, plus intelligente, je dirais, et mais qui trouve l'intelligence en termes de composition, tout en gardant quelque chose de très viscéral quand même, et bien bien rentre dedans comme il faut. Et donc on arrive sur ce nouvel album, Veil of Death Ruptured. Un album, donc, pour parler du groupe et dire le petit détail, on va dire, du groupe, c'est que c'est un groupe qui est donc un groupe de black metal qui est 100% féminin, en tout cas qui l'a été. Ils ont eu quelques membres session masculin, mais sinon c'est un groupe qui est entièrement féminin. On a donc, alors c'est là où je vais galérer, Maka Shana, qui est la bassiste et chanteuse, qui est la bassiste du groupe, qui a été la chanteuse dans le deuxième album du groupe, le Symphonique Sirenia. Donc complètement mort de rire. Ouais, voilà, c'est que j'ai vu ça, je dis OK, bon bah très bien, c'est ça change un peu de style, mais j'étais pas attendu à ce moment-là. On a la batteuse qui a été également dans le groupe Sisters of Suffocation. C'est un groupe qu'on a diffusé l'année dernière, si je dis pas de bêtises, qui avait sorti un album de death très très correct. J'en ai pas plus de souvenirs que ça, mais le peu que j'avais eu posé les oreilles dessus, c'était un album de death très correct. Et c'est pareil, c'est un line-up qui est... alors, s'il n'est pas 100%, il est majoritairement féminin également. On a donc Obscura, leaduse et chanteuse et guitariste du groupe, qui est également dans ce projet, donc qui est fondatrice de ce projet, pardon. C'est quelqu'un qui est assez dynamique sur la scène black metal, notamment sur d'autres projets comme Drogur ou Wolven Blood. Elle a fait des sessions live avec Nargaroth. Ouais, voilà. Elle a fait une deuxième fois, très bien. Elle a fait du mercenariat chez Nargaroth et chez Samath également. Donc voilà, quelqu'un qui est très investi quand même de son côté au niveau de la scène black metal. Voilà, pour la présentation du groupe, côté musique et aussi côté graphique de cet album, il y a une pochette qui est très réussie, je trouve. Elle porte très très bien un message très occulte et très froid. C'est une espèce de photographie qui a été, je ne sais pas le terme exactement, mais qui a été surfiltrée. Vraiment, tu sens que l'image a été... Ça sonne très travaillé. Ouais. Très travaillé, ouais. C'est une photo, ça se voit, mais elle a été repassée par plein de filtres pour donner un aspect terriblement occulte et très très froid dans l'image. Et je la trouve réussie. Globalement, leurs pochettes, elles étaient réussies, des souvenirs que j'ai. Mais celle-ci, je la trouve assez percutante et assez cohérente avec ce qui va se dérouler dans l'album. Un son encore plus violent et percutant, t'as quelque chose qui cogne vraiment dans l'enregistrement de cet album, il est très agréable à écouter. Et ce que je trouve très très réussi, c'est que c'est un album qui est quand même très mélodique, et tout ce qu'ils ont proposé est très mélodique en termes de black metal. Mais là, justement, t'as un enregistrement qui te permet à la fois d'avoir un son froid et un peu cradingue, mais c'est très audible, t'arrives à avoir les leads, à entendre plein de détails dans leur musique. Et voilà, un très bon enregistrement qui porte vraiment le tout. Et du coup, t'as quelque chose de brutal, entre guillemets, mais qui sonne pas brouillon ni noyé. Encore une fois, t'as les leads, les mélodies qui ressortent énormément. Et tu prends quand même un espèce d'impact effet rouleau compresseur pendant l'album. Et ça, moi, c'est un truc auquel je suis assez sensible, et cet album-là m'a parlé à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et par rapport aux albums précédents, en fait, tu as là, ils vont faire beaucoup plus de moments où ils vont se poser. Enfin, elles, en l'occurrence, elles vont proposer des compositions qui vont se poser, poser une petite ambiance, des petites nappes de piano et tout ça. Enfin, de piano, des petites nappes, pardon, de guitare qui vont un petit peu atténuer le côté ultra-violence de l'album. Et t'as même deux interludes dans l'album qui vont complètement couper et te faire passer à autre chose pendant l'espace de 1-2 minutes. Voilà, un album bien travaillé, bien structuré. Je trouve toujours que le chant féminin vraiment saturé dans le black metal, ça apporte quelque chose de très froid, de vraiment glacial. Je pense évidemment à Darkened Nocturnes of Occult, qui est ma référence dans le style, et je pense la référence pour beaucoup dans ce style-là, mais t'as un chant qui est glacial, qui a un côté un peu banshee dans le cri, et c'est quelque chose qui me parle également. Voilà, c'est du black metal, c'est old school, mélodique, bien viscéral comme il faut, et c'est peut-être un peu classique, mais c'est super bien fait, super bien pensé. Voilà, ça fonctionne de ouf. Bah ouais, puis dernière petite note pour ma part, c'est que les textes sont en alternance en norvégien ou en anglais. Voilà. Azagrom, Veil of Death Ruptured, on va s'écouter le titre de l'album pour illustrer ce focus. Un mot sur ce choix de morceau ? Juste, c'est le titre éponyme de l'album et je trouve qu'il porte bien la globalité de ce que tu vas entendre dans le projet. Et c'est parti ! We'll be right back. Dernière doublette dans l'émission de ce soir, puis après on s'écoutera un titre tout seul. Dans la doublette de ce soir, on a tout d'abord Afterbirth, ce groupe qu'on vous diffuse depuis quelques semaines, qui nous vient de Long Island, du côté de New York. Afterbirth, qu'est-ce que ça de spécifique ? C'est un groupe qui sort là son troisième effort studio, In But Not Off. À noter que le groupe existe cependant depuis le tout début des années 90, et que le vocaliste, no joke, qui se nomme Will Smith, voilà, a été fait partie de ses tout premiers vocalistes à taper dans des gutturaux vraiment très très très bas au niveau des groupes auxquels il a participé, hein. Il a notamment gueulé dans Pyrexia et Artificial Brain, sauf que dans Artificial Brain, il ne fait pas étalage de ses parties ultra gutturales. Par la suite, au tout début des années 2000, c'est Devourment qui a vraiment popularisé avec Rosas Ruben les gros lots au niveau des voix. Afterbirth, c'est un crossover entre le proto-slam et le tech death, puisque voilà, ça part un peu dans tous les sens et là vraiment recherche de créativité, sans parler de virtuosité. On a des éléments un peu plus, alors je dirais pas prog, mais presque. Et à côté de ça, des parties ultra gutturales au niveau des voix. In But Not Off, une sortie Willotip Records, donc Afterbirth. On s'écoutera le morceau Devil With Dead Eyes. Et juste après ça, on aura Receiver. Receiver, donc c'est un nouveau groupe qui nous vient de Chypre, qui nous fait du heavy epic, qui est mené par une femme. Qui vient de sortir son tout premier album chez Gates of Hell Records, et clairement, bah, comme à chaque fois avec ce label, on peut être à peu près sûr que ça va être de qualité. Ça sonne à mort façon années 80, c'est très très maïdénien dans les rythmiques, vocalement bah, c'est très très cool, c'est épique comme il faut, donc voilà, c'est une très bonne découverte pour nous. En plus ça nous vient d'un coin, on a quasiment rien qui vient de Chypre, donc là c'est l'occasion d'en profiter. Et du coup, on va s'écouter le morceau, alors ça doit être Star quelque chose, Star Chaser, voilà, c'est très classique, mais c'est très bien fait. Et on se retrouve juste après pour le dernier groupe dans l'émission de ce soir. Et on clôture avec un gros clin d'œil au premier focus de l'émission de ce soir, tout en poésie et en finesse, avec Blastocystia, du slam death qui nous vient de Saxe en Allemagne. Upper Triassic Slam Catalyst, c'est le nom de leur troisième effort studio. Tout est absolument parfait, des photos du line-up à la pochette de l'album. Les mecs se fendent quand même de deux titres instrumentaux. Voilà, c'est une sortie Reality Fade Records. Je prends ma respiration. On s'écoutera le morceau Préhistorique Downtown Deathmatch. C'est sorti mi-octobre et on se quitte là-dessus. Pour rappel, nouvelle émission dimanche prochain en différé. Prochain direct le 10 décembre, soit une semaine avant la prochaine édition du Winter Rip. Ce sera l'occasion pour nous d'accueillir Emile de Riposte Asso. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao. I remember it was long, long, it was 10 years ago.